tous, on se retrouve pour l'émission Livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. On en parle à la maison et le thème aujourd'hui c'est le contrôle et la surveillance. C'est parti! Et pour parler de ce thème, je vais vous présenter Movercloud et 1984. Pour commencer, Movercloud est un roman noir signé Robart et paru chez Belfond, que je remercie pour la découverte de cette œuvre. On y suit Paxton, petit patron ruiné qui intègre l'unité Movercloud, une superstructure de l'e-commerce qui représente une part majeure de l'économie mondiale. Malgré sa rancœur envers ce concurrent qui l'a mis en échec, Paxton ne peut refuser de tenter sa chance de retrouver un job, un salaire, un toit et à manger. Mais derrière ce paradis se cachent de nombreux secrets, que Zinnia doit mettre à nu. Sa mission est simple, infiltrer le système pour divulguer ses mystères et le détruire. Zinnia et Paxton seront vite confrontés à la dure réalité de cette super entreprise. Là où tout est mesuré et surveillé, où la rentabilité vaut plus que l'humain, il est impossible de dévier des règles établies, à moins de se sacrifier. Ce roman est très intéressant sur la peinture qu'il fait de cette giga-entreprise qui voit tout en grand. Des complexes de la taille d'une ville, des milliers d'employés, des milliards de dollars de revenus, une armée de drones. Une description qui se rapproche d'ailleurs de certaines réalités actuelles, comme les énormes entrepôts d'Amazon aux États-Unis, ou encore la Silicon Valley et sa Facebook City, qui regroupe les employés et leurs familles sur leur lieu de vie et de travail. Dans ce monde où la vie de l'employé appartient à l'entreprise, sa santé joue sur sa rentabilité, et si ses capacités baissent, il est facteur de perte et non plus de bénéfices, il est donc limogé. Sa santé, ses loisirs, ses fréquentations jouent sur sa notation et donc sur son utilité au sein de l'entreprise. Les employés sont quotidiennement suivis sur la base de leur performance au travail, mais ils sont aussi suivis en temps réel par le biais de leur montre GPS sans lesquelles ils ne peuvent accéder à l'extérieur de leur chambre, à l'ascenseur de leur immeuble, à leur travail. C'est une montre qu'ils emprisonnent, telle des menottes finalement. Le maître mot de ce roman est donc la surveillance, par le biais des habitudes des employés et des montres qu'ils doivent porter, mais aussi par la mise en abîme de STEM. Zinnia surveille cette entreprise qui surveille ses employés. Elle surveille ses données et espionne ses faits et gestes dans le but de nuire. C'est de l'espionnage industriel. Le roman nous fait vraiment réfléchir à notre relation à la technologie et aux libertés individuelles. Jusqu'où serions-nous capables de nous soumettre pour avoir du travail? Enfin, un dernier point important de réflexion et qui est avancé dans le roman, c'est le réchauffement climatique. Movercloud, c'est une entreprise qui cherche une manière de refroidir la Terre pour pouvoir revivre normalement. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, car depuis sa création, le monde est toujours aussi brûlant, les plaines sont devenues des déserts, et les villes et les villages sont quasiment abandonnés, comme si des complexes cloud étaient les seuls lieux à accueillir encore âmes qui vivent. Donc pendant ma lecture, tous ces points de réflexion m'ont fait penser à une autre œuvre, le classique 1984 de George Orwell. Mais avant de vous expliquer pourquoi, on va faire une petite pause musicale et écouter Psycho de Muse, qui illustre bien le thème du contrôle. A tout de suite. We'll be right back. de contrôle des faits et gestes et même des pensées, on pense au livre culte 1984 de George Orwell. Une dystopie que vous connaissez certainement de nom, où la société est régie par Big Brother et sa police de la pensée. L'histoire est réécrite à tout moment pour changer une défaite en victoire, pour effacer une personne, qui empêche le pouvoir de jouir de toutes ses cartes. Dans ce monde totalitaire où trois grandes puissances, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia se battent éternellement, pour une partie non occupée, une sorte de quartière revendiquée par chacune des patries. L'histoire se déroule à Londres en 1984 où l'on suit Winston Smith, 39 ans, employé du parti extérieur au ministère de la Vérité. Son travail consiste à remanier les archives historiques pour faire correspondre le passé à la version officielle du parti. Si une guerre est déclarée entre l'Eurasia et une des deux autres puissances, alors qu'une alliance avait été signée, les traces de cette alliance doivent disparaître par exemple. C'est un travail de manipulation de la vérité, de l'histoire, que Winston n'arrive pas vraiment à intégrer. Pour éviter que ses opinions contestataires ne prennent le dessus, il décide donc d'écrire un journal, qui constitue à lui-même une rébellion, puisqu'il faut éviter le regard du télécran qui observe tous ses faits et gestes, et donc éviter le regard du pouvoir. C'est à travers ce carnet que l'on en apprend plus sur la société de Winston, le régime totalitaire, les délations, la destruction de l'histoire et de la langue, avec le novlangue qui remplace de nombreux mots anglais. Mais c'est sa rencontre avec Julia, sa future amante clandestine, que ses rêves de soulèvement se font plus forts et que le livre de Goldstein devient un point d'appui à ce rêve. Mais arrive ce qui devait arriver, ils sont arrêtés par la police de la pensée et rééduqués de façon à accepter toutes les vérités qui émanent du parti. 1984, c'est une peinture de la répression des pensées et des libertés, qui existe dans tout le système. Il y a des limites, il y a des règles à suivre. Seule différence, ce régime-là est totalitaire et aucun écart est accepté. J'avais beaucoup apprécié la lecture de ce livre, même si certains passages sont assez sombres et complexes, et que le passage sur la boule de neige m'avait un peu perdu. J'ai d'ailleurs trouvé quelques éléments de contrôle et d'oppression assez similaires dans Movercloud. Par exemple, Paxton qui se soumet à sa situation même si cela ne l'enchante pas. Et c'est seulement lorsqu'il débute une relation avec Xenia qu'il prend conscience de toute la réalité du système. Un peu comme Winston avec Julia. Dans le roman de Robarts, les télécrans sont aussi devenus des monstres GPS et Big Brother a le visage de Gibson Wells, le patron de l'entreprise qui est omniprésent sur les publicités qui tourne en boucle sur tous les écrans du complexe. Les deux romans sont d'ailleurs des huis clos à ciel ouvert. Winston ne peut s'échapper de l'Eurasia et Paxton est réduit à vivre dans le complexe climatisé pour échapper à la chaleur qui fait fondre la Terre. La seule différence entre ces personnages qui se ressemblent, Winston et Paxton n'agissent pas de la même façon. Ils n'intègrent pas la réalité qu'on leur offre pareillement. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Pour terminer cette émission, on va écouter Programmé de Nekfeu dans son album Cyborg. On se retrouve juste après. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, en dessous d'une enseigne qui clignote, une pute qui renseigne les clients, trop malade pour allaiter, faire de la maille pour un été, substance illicite dans la charte, tu peux t'enliser dans la jungle, mais ça va te manquer si tu n'achèves, t'auras plus d'amis si t'en lâches. Un pote en galère, faut l'aider. C'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Une aventure dans le vent d'été peut te conduire à la vendetta. Y'a rien ni personne qui te force à rafaler. Rien de plus beau que la fierté ravalée. Mais si jamais tu dois faire le mauvais choix, ne règle pas tes comptes devant les decks. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Je connais la vengeance, je raffolé d'elle. Maintenant je reste froid comme un Finlandais. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté, ouais. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Les tentations pourraient me loter. Tu deviens violent quand t'es violenté. Assassiné quand t'es menotté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de... Tout est une question de volonté, tout est une question. Dites aux juges de pas juger ceux qu'on manquait d'amour et qui l'ont découvert sur la banque est arrière. Cette époque est amère pour le prolétariat. Dites aux financiers que l'argent de la banque est à nous. Je me sers volontiers, je ne vais pas commenter devant la télé. Tout est une question de volonté, ouais. Tout est une question de volonté. De la lumière pour